Chapitre 17e. Victor Hibert entra dans le petit salon blanc, tendu de perse, gaiement ouvert sur le jardin, avec ses meubles Louis XVI qui lui donnaient un faux aspect de Trianon. Il tenait à la main une dépêche et dit à Geneviève et à André, assises à la fenêtre, « Guillemard vient aujourd'hui avec Raymonde après les courses. »« Ah, tant mieux !» dit Geneviève avec un soupir heureux. Elle avait déjà ce vague ennui fait de torpeur qui vous guette à la campagne. Au fond de la solitude, il lui tardait de reparler un peu de Paris. Raymonde arrivait de la mer avec Guillemard, et à peine la jeune fille avait-elle repris pied, rue d'Offémont, qu'elle entraînait Émile aux courses. Les premières courses d'automne, sous un ciel de septembre ensoleillé comme en juillet. Apparaître, souriante, dans la tribune, se montrer dans l'enceinte du pesage, était pour la jeune fille une façon de remettre sa carte à Paris. Et puis, après avoir un peu lorgné et un peu parlé, vite, on irait embrasser la cousine André, donner un shake-hand à Geneviève et faire la chronique et le reportage des planches de Trouville et des galets de Dieppe. Raymonde mourait déjà de l'envie de raconter comment, là-bas, le marquis de Lansac, celui dont le nom avait été mêlé au procès fameux de la petite comtesse de Barges, plaidant en séparation, avait demandé à être présenté à Mademoiselle Guillemard et lui avait fait une cour, Louis Ribert en avait été furieux et parlait d'envoyer des témoins à ce joli garçon, qu'il trouvait un peu bien compromettant et qui lui rappelait cette autre fat, le beau Lacoste. Mais après tout, s'il veut épouser cousinette, et si cela amuse Raymond d'être marquise, ça ne me regarde pas. Louis avait promis justement de venir à Ville-d'Avray ce dimanche-là. Lui aussi, tanné par le vent de la mer, bronzé comme un marin, revenait à Paris, enchanté de s'y retrouver comme Guillemard, qui se faisait vieux, disait-il, loin de la rue Thébault. Et Louis n'était pas fâché de savoir, en philosophe, comment Victor avait pris sa vie nouvelle. Pour lui, il ne s'en serait pas douté. Il trouvait doux, moelleux, exquis l'état de millionnaire. « On ne le croirait pas, disait-il gaiement. Mais même quand on n'a pas été pris tout petit, on s'habitue très facilement à la fortune. » Et riant, « Je deviendrai enragé et je mordrai celui qui aurait touché à mon lingot. » Est-ce drôle ? Il arriva chez Victor une heure environ avant Guillemard et sa fille. Il sauta au cou de Ribert, et sa première question, jetée allègrement comme une fanfare, fut « Eh bien, mon cher, es-tu heureux ?» Lui rayonnait, très élégant, étonnant André, faisant sourire Geneviève. Costume complet de gentleman en voyage, le col de chemise rabattu en forme de cœur, le veston à petit collet, d'un gris bleu, étoffe anglaise, le gilet clergyman, un bolet rose sur le coin de l'oreille, le bout d'un mouchoir montrant discrètement son coin brodé dans la petite poche du veston. Oh, pur, très pur. Je vous avais prévenu par un croquis, hein ? Disait Louis, se raillant lui-même. École moderne. Vous verrez que je finirai par faire bâtir avenue de Villiers. On le reçut bras ouverts. Il y avait 3 mois qu'on ne l'avait vu, 3 mois. Et des étonnements. On se redisait que l'été avait passé comme une semaine. Avec ses joies savourées doucement, ce bonheur doux ruminé sous bois dans une villégiature coquette. 3 mois. Et malgré cette flambée de soleil, en septembre, les arbres encore verts, le jardin plein de fleurs, ses pelouses et ses touffes sous le ciel clair, donnaient encore la sensation d'un été continué en pleine joie. Louis s'attendait à trouver chez Ribert la cousine Raymonde et son père. « Ils ont voulu m'emmener aux courses, mais merci, » dit-il. Ils étaient avec Edmond Lacoste, le peintre des Grâces. Je m'en suis dispensé. « Ah ça, mais, » dit Victor, « Émile en est donc toujours féru de son Lacoste ?» Il paraît. Oh, que son portrait de la duchesse de Chamarande était joli au dernier salon, dit Geneviève, qui rêvait sans doute de se voir sur la cimaise peinte par Lacoste, comme les duchesses. Louis allait essayer de prouver peut-être à Madame Ribert que le talent de Lacoste était surfait, pas vivant. De la crème fouettée, des meringues, lorsque, de très loin, il entendit par-dessus les haies le rire gai, pareil à un caquetage d'oiseaux, de Raymonde, et il devint un peu rouge, sans qu'il s'en doutât, en disant « C'est la petite cousine ». On sonnait, en effet, à la grille là-bas, et au bout des allées de sable fin tigré de plaques lumineuses, Raymonde arrivait toute rose, la peau fraîche malgré la montée, sa jolie figure souriant comme dans de l'or, sous son ombrelle couleur paille, tandis que Guillemard s'essuyait le front, maugréant contre la sente des lilas et la rampe du chemin des Clouseaux. Derrière eux, correct, élégant, sur la tête un haut de forme gris à bord cambré, et posant avec précaution dans les allées ses bottines à bout rapporté, le cuir historié, marchait Lacoste, que Louis reconnut de loin tout de suite. « Allons bien, c'était écrit, » dit-il en faisant claquer ses doigts. Il était furieux et Geneviève paraissait enchantée. De loin, Guillemard criait. « En voilà un chemin. On a l'air d'être en prison entre deux haies. Et par-dessus, on voit des sociétés qui prennent le frais, boivent de l'eau de sels en écoutant le piano. Des airs de Judic, partout, » dit Raymond. « Et impossible de faire monter les chevaux par cette côte. »« Tu n'avais, » dit Victor, qui allait à Guillemard la main ouverte, « qu'à suivre la grande route, la montée de la Croix-Basset, à traverser le pont de bois et tu étais à notre porte. Tu ne connais donc pas le chemin. »« Je ne connais mon chemin qu'à Paris. » « Présente donc, monsieur Lacoste, papa, » interrompit Raymond en montrant le jeune homme planté au milieu de l'allée et dans ce plein air du jardin, aussi strictement droit qu'en un salon, dans l'attitude exigée. C'est vrai, Guillemard l'oubliait, monsieur Lacoste. Et c'était lui, pourtant, qui l'avait amené, entraîné, voulu. Il chercha un gros compliment, le trouva, le jeta à la figure de Lacoste, qui ne sourcilla pas. « Monsieur Lacoste, notre illustre peintre, » et Edmond s'excusa du sans-façon de sa visite avec une jolie phrase, très bien faite, aussi léchée que sa peinture, songeait Louis. Il trouva une amabilité pour André, qui sourit poliment, un madrigal pour Geneviève, qui, de plaisir, devint aussi rose que Raymonde, et laissa tomber dans l'oreille de Ribert, assez haut pour qu'on l'entendît, sa banalité d'habitude. « Ah, le beau portrait, confrère de madame !»« L'amorce à la commande, » pensait Louis. Puis, se tournant enfin vers Miss Barca, il flaira l'institutrice et s'inclina tout juste assez pour ne pas s'en faire une ennemie. Fin comme un politique, ce Lacoste, le Talleyrand de la palette. Il n'avait tendu que du bout des ongles sa main à Louis Ribert, qui ne lui souriait que du bout des lèvres. Puis on était entré dans la salle de billard, tandis qu'André menait sa cousine à sa chambre, lui ôtait son chapeau, lui disait « Il te va bien, l'air de la mer, tu es joli comme un amour. » L'air de la mer, ne m'en parle pas, je suis salé. Mais si je suis jolie, toi, tu es belle. Regarde-toi, le bonheur te va bien. Le bonheur, pensait André. Eh bien, ma chérie, tu ne me croiras pas, dit Raymonde. Je me suis ennuyée. Oui, et je m'ennuie encore, c'est vrai. Je ne suis plus la même. Je ne sais pas ce que j'ai. Ma parole, je croirais presque que j'ai ce qu'on appelle dans le mauvais monde une tocade. Tu prends des mots dans ce monde-là ? Fit Andrée souriante. Tout le monde en prend. On ne se comprendrait plus si l'on ne parlait pas comme tout le monde. Est-ce qu'il y a longtemps que tu n'as vu Olivier ? Olivier ? André était un peu troublé, prise de peur. Oui, Olivier. Tu croyais peut-être que c'était pour le beau Lacoste, la tocade ? Non. J'aurais plutôt préféré monsieur de Lansac. Je te conterais ça. Ce qui est bête, c'est que c'est à Olivier que je pense. Oui, comme malgré moi, j'y pense. Est-ce qu'il était aussi ours chez ton père qu'il l'est à la maison ? Aussi ours, bah, dit-elle, en arrangeant ses frisons devant la glace. Je le rendrais amoureux tout de même, celui-là, si je voulais. Elle tourna à demi par-dessus son épaule, sa fine tête de gamine, en voyant dans le miroir l'air inquiet d'André, toute pâle. « Je t'étonne un peu, dit-elle. Pauvre Raymonde, dit André doucement. Tu n'as pas connu ta mère et tu as ton père si peu à toi. Raymonde, qui souriait, se mit à rire. « Tu me plains, en voilà une idée. Alors je ne te dirai plus rien. Tu ne comprendrais pas. Une tocade. Est-ce que tu comprends ? Tu n'aimes personne, toi. Est-ce que tu saurais ? Moi, je ferais des folies au besoin. Ça m'amuserait. Mais toi, le marbre, la glace, je t'aime bien tout de même, tu sais. » Elle avait mis deux baisers francs sur les joues d'André et allait redescendre cherchant ses gants de suède sur la causeuse lorsqu'elle s'écria tout à coup, subitement, se frappant le front de sa petite main. « Ah, l'étourdi, je savais bien que j'allais oublier. Ton père, où est-il, ton père ?» André regarda par la fenêtre ouverte. « Sur la terrasse, probablement. » « Avec Louis, et papa avec son candidat, monsieur Lacoste. Très bien. » Raymonde fouilla dans sa poche, tâtant si quelque objet qu'elle y avait glissé sans doute s'y trouvait bien. « Non, je ne l'ai pas perdu, ce diable de papier. Oh, j'en aurais été bien capable. Ça me ressemble, les étourderies. »« Un papier ?» demanda André. « Que j'ai retrouvé dans le petit cabinet feu de l'oncle Ducret. Oh, toute une histoire. un papier à l'adresse de ton père, une lettre cachetée. Figure-toi comme c'est drôle. Tu sais, tous ces petits tiroirs. On les avait ouverts comme on avait pu, très vite, probablement. Et cette lettre, tiens, la voilà, cette lettre. Elle avait tiré de sa poche une enveloppe blanche, carrée, cachetée de rouge, froissée aux angles, et elle l'a montrée à André un peu étonné, regardant l'adresse instinctivement. « Pour mon neveu, Victor Ribert. » Eh bien, figure-toi, elle avait glissé de tiroir en tiroir, probablement jusqu'au fond du cabinet, et elle était là, collée contre le bois du fond. Personne ne l'avait vue, nécessairement. C'est l'ébéniste que j'avais fait venir pour réparer un peu les caille-feu des colonnettes et les aigles à deux têtes bronzées. Il a vidé tout le meuble et il a trouvé ça, au fond. Ça m'est arrivé souvent de chercher comme ça des lettres de toi, tiens, qui avaient glissé dans mon secrétaire. Il y en a peut-être encore dans les bahuts que j'ai achetés. Ah, j'en ai acheté, ma chérie, tu ne te figures pas. C'est plein comme un œuf, maintenant, notre hôtel. Quand on dansera, on se cognera au meuble. C'est très chic. Elle alla à la fenêtre, regarda vers le fond du jardin, au bout des allées, dans les arbres. « Où est ton père ?»« Ah oui, tu m'as dit, sur la terrasse. Je vais lui porter sa lettre, car c'est à lui, ça, après tout. Ça n'était pas compris dans les enchères. » Elle avait remis cette lettre dans sa poche, gaiement, et sur le seuil de la porte, jolie dans l'encadrement de verdure du dehors, elle disait à André « Tu ne viens pas ?»« Non. » André ne savait pas quelle inquiétude vague lui venait maintenant. Elle avait envie de retenir Raymonde. Il lui semblait que sa cousine emportait avec elle un rayon d'espoir. Raymonde, sur le perron, cherchait à percevoir à travers les arbres Victor Ribert. Elle vit Louis, qui, fumant son cigare, revenait vers la maison. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, Raymonde ?»« Je cherche quelqu'un. »« Un mari ?»« Je ne le chercherai pas, » dit-elle coquettement. « Je l'aurai trouvé. »« Veux-tu que je te présente un prince ?»« Hé !» De l'art. Il salua. « Je te le présente ?»« Tu es bête, va. Est-ce que tu espérais que j'allais te nommer Lacoste ?»« Ne dis pas de bêtises. Où est Victor ? Voilà tout ce que je te demande. »« Là-bas, » dit Louis. Il étendit la main vers le coin de la terrasse où d'habitude, humant l'air, lisant un livre, Ribert restait assis, s'interrompant pour regarder au loin Paris. Toute la joie de Victor était là, comme dans un nid. Là et dans ses sentiers familiers où il se promenait maintenant sans emporter avec lui, comme jadis, le souci de l'avenir, l'aiguillon aigu de la terreur du lendemain. Il avait 10 ans de moins maintenant. Se perdre à travers les bois, dans les chemins pleins d'herbes, aux sentiers à peine tracés dans le gravier, délicieusement se sentir isolé entre deux dessous de feuilles d'où sortait, sous une bonne odeur fraîche, une exquise impression de solitude, pénétrante comme un parfum. Aller devant soi sans rencontrer personne, aussi loin de Paris que s'il eût été au bout du monde, avec des bruissements furtifs d'oiseaux envolés, d'ailes d'insectes, le bourdonnement sourd de l'immense vie des bois, c'était son quotidien plaisir. Il allait, la poitrine élargie, le front nu, ce front chauve brûlé par le gaz des lampes, et il respirait, et il revivait, et il s'abandonnait, avec une volupté de prisonnier délivré, à cette jouissance physique de la bête humaine, sentant la caresse, l'odeur nourricière de l'éternelle et aimante nature. Pour lui, être millionnaire se réduisait à cette joie, rôder par les bois comme un vagabond, quitte à rentrer le soir et à humer son café en famille comme un gourmet, ou encore à s'asseoir dans ce coin de jardin où, après avoir promené ses hôtes, il était venu maintenant et où il respirait, oubliant un moment Ernest Lacoste, à qui Guillemard faisait faire le tour du propriétaire en répétant à chaque pas « Moi, ici, je crèverai ». Raymond écarta doucement les branches des petites touffes et les brindilles de la vigne vierge mêlées aux roses remontantes qui faisaient là comme une muraille de verdure et de fleurs, et sa gentille tête rousse, un peu hâlée par la mer, les yeux pétillants, les dents blanches dans un rire rose, apparut sous la voûte du tilleul, dans un encadrement de feuilles vertes avec du soleil sur les frisons d'or. « Ah, c'est toi ?» dit Victor, riant à son tour. « Tu m'as fait peur. »« Vraiment ? Dame ! Il ne vient ici que des pinsons ou des papillons. Une jolie petite gazelle, c'est un événement. » Elle n'entrait pas sur la terrasse où, sur un banc, d'habitude, Victor était assis à côté d'un rocking chair où Geneviève venait se balancer quelquefois. « Une gazelle. Je me sauve alors. La chasse est ouverte. » « Voici pour vous, » dit-elle en jetant à travers les feuilles la lettre cachetée de rouge. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu ?»« Je n'en sais rien du tout, mais c'est pour vous. » J'ai trouvé ce papier dans un meuble acheté à la vente de l'oncle Ducret, et comme je suis honnête... Elle était déjà loin et parlait tout en courant vers la maison, ses petits pieds faisant crier le gravier. Victor avait eu une sorte d'éblouissement. Un papier trouvé dans un meuble, l'oncle Ducret. Que disait donc la Raymonde? Il regardait sur la table de la terrasse cette lettre où un cachet de cire trouant le papier blanc d'une tache rouge, ronde, semblait un œil étrange qui le regardait. L'oncle Ducret, un papier trouvé chez Ducret. Il s'est élevé lentement, éprouvant dans tout son corps la sensation d'un froid soudain, hésitant presque, sans savoir pourquoi, à se baisser vers cette enveloppe, à la toucher. L'oncle Ducret, une lettre de l'oncle Ducret, peut-être. Et brusquement, il se courba en deux, prit le papier et lut l'adresse tracée d'une main qu'il reconnaissait. Oui, c'était Ducret qui lui écrivait à lui. Pour mon neveu Victor Ribert. Et que pouvait-il lui dire là? Instinctivement, Ribert se sentait mal à l'aise. On dirait que ça me trouble, cette lettre. Il la tenait entre ses doigts, la tournait, la retournait. L'ombre des touffes épaisses donnait à ce papier des reflets livides, et parfois aussi, à travers les branches, le soleil couchant entrait, faisant étinceler cette enveloppe, ce cachet de cire, éclairant ce nom, Victor Ribert. Et par la pensée, maintenant, il revoyait, malicieux, ironique, le regardant de son œil froid et le saluant de ses mains maigres, Ducret, Sylvain Ducret, l'homme qui avait écrit ce nom, cacheté ce papier, écrit cette lettre. Quelle ironie dernière ou quelle volonté suprême contenait cette enveloppe? Je vais bien savoir, dit Victor tout haut. Il rompit le cachet brutalement et lut avec des éblouissements devant les yeux, des tintements dans les oreilles, comme dans un tournoiement de cauchemar où, éperdu, on s'enfonce dans quelque trou noir. Il lut. Mon cher Victor, j'ai pu avoir et j'ai eu l'idée de partager ma fortune entre Louis Ribert et toi. Mais la réflexion est venue. Tu es une sorte de rêveur fort peu pratique, et l'argent que je te laisserai et que j'ai gagné difficilement, facilement, s'en irait. Quant à Louis Ribert, sa philosophie dédaigneuse, tant de fois professée devant moi, le rend, tout compte fait, assez riche pour qu'il n'ait jamais besoin de mon bien. Ribert s'arrêta, étranglé, se sentant étouffé. « Ah, la ruine est là !» balbutia-t-il. Il voulait continuer pourtant, il voulait savoir. La lettre disait « Je ne laisse donc rien à Louis et je ne te laisse rien, Victor, que le plaisir d'être l'exécuteur de mes volontés. » Instinctivement effaré, Ribert courut à la date de cette lettre. La date? 3 jours avant la mort de l'oncle, 3 jours. Il était bien antérieur le testament que Maître Auboin apportait ce matin de mai comme un trophée. La volonté dernière, l'ordre absolu de ce mort, ce n'était pas le testament, c'était cette lettre. La ruine donc, et quelle ruine! Victor devinait, à travers le sang qui lui montait aux yeux, il déchiffrait d'instinct, plutôt qu'il ne la lisait, cette lettre du mort. Cette lugubre dépossession d'outre-tombe, gouailleuse, méchante, insultante, sinistre comme la plus féroce ironie. Je donne donc tout ce que je possède à ma petite nièce Raymonde Guillemard, fille de défunte Louise Ducret, ma sœur préférée, et j'institue la dite Raymonde Guillemard, mon héritière, sous cette condition formelle et inéluctable qu'elle épousera le petit-fils de mon jardinier, Olivier Giraud. Tel est mon bon plaisir. Mon neveu Émile Guillemard et sa fille ne renonceront pas à des millions tout faits, et le mariage de Raymonde avec le fils de Madeleine Giraud me réjouira dans ma tombe. Au-dessous de ces lignes, de la première à la dernière, écrites entièrement de la main de Ducret, le vieillard avait ajouté ces mots. Fait à Paris, en ma maison de la rue Caumartin, malade de corps mais sain d'esprit et voulant que ses volontés dernières soient ma loi. Sylvain Jacques Ducret, ce 11 mai. Dans la chaleur lourde du jour qui baissait, le bourdonnement sourd de toute cette campagne qui montait jusqu'à lui et l'enveloppait de ses bruits indistincts, chansons vaguement entendues et sortant de loin, par ce dimanche heureux comme une fumée, bruit de roues sur les chemins, roulement des trains sur la voie, Victor Ribert crut un moment qu'il allait tomber, pris à la gorge, foudroyé par cette douleur. La terre disparaissait sous ses pieds, lui manquait. Paris se perdait au loin dans une buée rouge. Le sang battait aux tempes du pauvre homme et lui sifflait aux oreilles. Il resta un moment sur le banc où il tomba, accablé. Il se sentait devenir fou. Le vide effrayant, soudain et brutal, de son cerveau lui faisait peur. Tout à coup il se redressa, se roidit, et tout seul, comme si on l'eût regardé, comme si on l'eût entendu, et sa conscience l'épiait, le pauvre homme, il dit, presque haut, « Eh bien quoi? Il faut se remettre à l'ouvrage. Travailler. Oui, voilà, travailler plus que jamais. J'ai rêvé, je me réveille, ça arrive. » De loin, un bruit de rire venait. Le rire de Geneviève, que le sifflement d'une locomotive au bas de la terrasse coupa net comme le sort cassé en deux toutes ses joies. « Ma femme, » balbutia Ribert, « ma fille. »« Hé, Victor !» cria une voix, la voix de Louis. « Tiens, c'est vrai, » dit Victor Ribert du doigt brisé, lentement, doucement, une voix de malade. « Ce pauvre Louis, je l'avais oublié. »